pourra surtout pas nous arrêter. Et vole loin leurs âmes, par ma foi, la croix, par le nom de mon roi. Pas peine de rester appuyé, ce que j'ai trouvé, je l'ai gagné. Et vole. Cachés au cœur de leurs nuages de fumée blanche, plus beaux que ne sont les anges, portés par le chant de leurs sages, couleur le sang. Nos armures de mille éclats brillaient quand soudain se sont mises à rouiller. Nos bannières si fièrement portées au soleil se sont mises à brûler. Et vole loin leurs âmes, pour ma foi la croix, au nom de qui de quoi. Ce que j'ai volé, je l'ai payé, plus la peine de rester à briller. Et vole loin leurs âmes, plus haut que le vent les anges, cachés au cœur de leur nuit. De fumée blanche, plus beau que ne sont les anges, portés par le chant de leur sage couleur de sang. Au cœur de l'armée.